danse, les mots se bousculent à la sortie. Y'a une limite à la malchance, ça peut pas toujours être la nuit. Faire sa place, laisser sa trace, le petit poucet a manqué de peur. Les oiseaux frics sont des rapaces qui chassent pour tromper la fête. Heureusement, petit bipède. Heureusement que tous les tam-tam t'aiment. Les garés lancent dans l'espace un signal déguisé en cri. Sa boussole s'endort dans la glace, la dérive n'est jamais finie. Tout ce qu'on fait pour se nommer est un appel à l'invisible. C'est la loto du condamné qui mise tout sur l'impossible. Petit bipède, heureusement que tous les tam-tams t'aiment. Tous les tam-tams, tous les tam-tams t'aiment. Tous les tam-tams, tous les tam-tams, tous les tam-tams. Tapis roulant qui mène à soi à travers tant de longs hivers. De rêver tout le monde sans loi, où l'on devient ce qu'on espère. La vie qu'on rêve sur papier, en parenthèse du soleil. J'arrive des bribes du passé jusqu'au pays de mille soleils. Heureusement, petit bipède. Heureusement, tous les tam-tam t'aiment. Dum. t'aime. En gaspillant ces heures libres à dormir comme un bienheureux. Le funambule en équilibre finit aussi par se faire vieux. Transigé sur l'essentiel, on finit les mains sur les yeux. Pas vu, pas pris, loin des ruelles. Salut bipède, adieu les vieux. Heureusement, petit bipède. Heureusement, tous les temps d'antenne. Tous les tam-tam-tam.